Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Jésus. On se souvient peut-être que dans Les vivants et les dieux, nous avions consacré une émission à la somme, l'énorme somme de John Mayer à la recherche du Jésus historique. Or, on sait très bien que l'historicité de Jésus n'est pas absolument attestée et qu'un certain nombre d'enseignants, parmi les plus brillants même de l'école pratique de hautes études en France, mettent en doute cette existence. On peut se demander d'ailleurs si la querelle n'est pas assez vaine, dans la mesure où le problème est beaucoup plus ce qui a été élaboré par le christianisme et qui nous a été légué à travers les siècles. C'est cette position que, d'une certaine manière, adopte quelqu'un comme Baudouin de Charneux, professeur à l'Université de Bruxelles en études classiques et directeur de recherche au FNRS, le Fonds National de la Recherche Scientifique, c'est-à-dire le CNRS belge. Baudouin de Charneux introduit une différence entre le Jésus proprement historique et ce qu'il appelle le Jésus de l'histoire, sur lequel il va s'expliquer, d'autant plus qu'il vient de faire paraître, aux éditions Entrelacs, un ouvrage consacré à Jésus, précisément à ce Jésus de l'histoire, le Jésus tel qu'il nous a été transmis par les textes, soit acceptés, soit refusés par l'Église, mais qui permettent éventuellement de dresser un portrait, de dresser le portrait de Jésus tel que l'ont vu ceux qui l'ont suivi. De façon un peu complexe, aujourd'hui, certains historiens des idées amènent graduellement une division entre le Jésus historique et le Jésus de l'histoire. Alors, le Jésus historique se perd évidemment dans les brumes du passé. Et souvent, effectivement, ce Jésus-là fait l'objet de reconstructions où tel ou tel penseur reconstruit un Jésus tel qu'il voudrait le voir ou l'entendre. Et il faut bien reconnaître qu'à ce moment-là, on est très fort dans le genre de la projection. Alors, ce genre peut être fécond dans des domaines littéraires, poétiques, artistiques ou autres, mais dans le domaine, évidemment, historique, fait problème. Alors, le Jésus de l'histoire, quant à lui, pour reprendre cette autre appellation, c'est le Jésus qui nous parvient au travers des sources qui nous parlent de lui. Vous savez, les historiens ont un côté un peu frileux quand il s'agit de reconstruire le passé. Premièrement, un bon historien sait que nous ne sommes jamais que dans un processus de reconstruction et que donc ces événements passés se dérobent à mesure où nous avançons nous-mêmes dans le temps. Et donc il y a déjà un principe de prudence et un principe de modestie qui devrait présider à tous les travaux de type historique. Et enfin, ces travaux-là doivent reposer sur des sources. Alors, quelles sont les sources dans l'Antiquité dont nous disposions pour parler d'un personnage nommé Jésus? Force est de constater que nous sommes devant des sources essentiellement soit issues de l'historiographie romaine, soit issu directement du milieu chrétien et quelques sources plus tardives, notamment le Talmud. Mais globalement, donc, nous sommes devant des sources écrites, et pour cause, il n'a pas tellement besoin de le rappeler, quoique nous ne sommes pas à une époque de médias, nous ne sommes pas à une époque de radio, de télévision, de journaux, etc. Et quoi qu'on puisse dire dans certains manuels d'histoire qui quelquefois prennent ces sujets à la légère, nous ne disposons pas des CD-ROM de l'administration romaine à l'époque. Donc qu'est-ce que nous avons sur un personnage comme Jésus, qui n'est pas un notable en son temps? des sources plus tardives qui nous parlent de lui. Donc ça veut dire pas d'épigraphie, ça veut dire pas d'iconographie directe relative à l'époque, ça veut dire que nous n'avons pas de source de personnages importants qu'il aurait entouré et qui aient parlé de lui. Et il semblerait que le personnage lui-même n'ait pas écrit. Nous n'avons pas de source directe du personnage. Là, on est devant, évidemment, une difficulté, mais qui est une difficulté inhérente au genre philosophique. L'histoire de la pensée ancienne est un naufrage. C'est l'histoire d'un naufrage. Sur les, je reprends à sa petite dizaine de milliers de noms répertoriés de penseurs de l'Antiquité, nous avons des textes de plus ou moins, si ma mémoire est bonne, quelques centaines d'entre eux, tout au plus. Et des textes complets, encore moins. Et donc, il faut déjà se rendre compte que tous les grands auteurs dont on nous parle d'ordinaire et qui font les bons jours de nos systèmes éducatifs sont souvent des gens que nous connaissons déjà par ricochet ou après coup. Même pour des personnages de première importance. On pense par exemple à une figure aussi dominante que celle de Socrate en philosophie. Dès que nous quittons le champ des notables, des grands de ce monde, de ceux qui ont pu laisser des traces sur le plan architectural, donc dans la pierre, qui fatalement connaît une pérennité logiquement plus grande que les autres supports, dans la numismatique, donc les pièces de monnaie, ou bien dans le registre de l'art, donc des gens qui ont eu les moyens de commander des œuvres à leur gloire, dès que nous quittons ce registre, inévitablement, nous avons très peu de traces. Dès lors, je ne vois pas tellement pourquoi on traiterait Jésus autrement que les autres personnages du passé, sauf pour des raisons idéologiques. Donc, je pense qu'il est prudent de dire que nous pouvons accéder à une certaine image, un certain reflet d'un personnage nommé Jésus, autour duquel un ensemble de narrations éparses se sont souchées au fil des siècles qui ont suivi sa mort, mais je ne pense pas pour autant qu'il faille remettre en question l'existence du personnage. Ça me semblerait assez curieux, parce que si nous devions adopter la même méthode par rapport aux autres personnages de l'Antiquité, mais en bonne logique, le dictionnaire des noms propres relatifs à l'Antiquité au Moyen-Âge deviendrait extrêmement pauvre. La question de l'existence ou de la non-existence historique de Jésus est somme toute fort peu intéressante avec les lunettes d'un scientifique d'aujourd'hui. Je ne parle pas évidemment de celui qui cherche un rapport de proximité spirituelle, enfin, etc., par rapport à une figure nommée Jésus. Là, c'est autre chose. Mais je parle au niveau scientifique. Dès lors, la question de l'existence historique ou de la non-existence historique, me semble-t-il, est presque un faux débat. Nous parlons de textes. Nous parlons de témoignages qui nous sont parvenus au travers de textes dont les enjeux essentiellement étaient théologiques, des textes qui ne répondent pas du tout à la même logique que la nôtre en matière de narration, en matière de description, en matière de compréhension de l'histoire. Et dès lors, je dirais, c'est un peu le problème qui agite tout et chacun aujourd'hui, mais apparemment c'est un problème qui n'intéressait pas les anciens. Thank you. si on part à la recherche de ce Jésus de l'histoire dont vous parlez, Baudouin de Charneux, les sources sont des sources d'après-coup, si l'on peut dire, qui certainement sont des reconstructions qui sont redevables des intérêts ou des questions que se posaient les communautés proto-chrétiennes ou chrétiennes de l'époque. Et on voit très bien qu'on a quand même plusieurs sources. Je veux dire, on a les évangiles canoniques, et encore dans les évangiles canoniques, nous avons les trois évangiles synoptiques, et nous avons celui de Jean, qui sont quand même assez différents l'un de l'autre. Et puis nous avons ce qu'on appelle les apocryphes, en grande partie des récits de l'enfance de Jésus, qui est relatif à un milieu très très spécial, et éventuellement à un certain nombre de sources gnostiques. Alors comment est-ce qu'on se retrouve au milieu de tout ça ? Mais on se retrouve en bonne logique en tentant de débroussailler le terrain au travers d'une méthode qui est une méthode de nouveau historique, c'est-à-dire qu'on essaie de délimiter quelles sont les sources les plus anciennes. Alors chronologiquement parlant, pour qu'on tente de se repérer dans l'ensemble des éléments que vous venez de dénoncer rapidement, bon, les premiers témoignages qui nous soient parvenus sont sans doute ceux de Saül de Tarse, donc dit Paul. Alors ce théologien, personnage, me semble-t-il bien formé à la chose théologique, fréquentant sans doute la pensée platonicienne et la pensée stoïcienne de son temps, sans être pour autant un philosophe majeur, mais donc un personnage qui a une culture littéraire, théologique et philosophique certaine, a produit une série de lettres. Alors là, il y a tout un débat sur des lettres dites authentiques et inauthentiques. Je crois qu'il ne faut pas rentrer trop dans les détails ici. Mais a produit une série de lettres qui étaient comme un lien entre lui-même, ses proches et les communautés qu'il avait fondées au nom de cette figure de Jésus qu'il appelait le Christ. Personnage, donc Jésus, qu'il n'avait sans doute pas connu lui-même. Donc avec lequel il entretient un lien essentiellement mystique. Et puis nous avons les textes que vous avez évoqués, à savoir des textes évangéliques. Alors dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre canonique, Marc, Matthieu, Luc, et puis enfin Jean. Alors ces textes-là se piquent de nous donner ou de brosser un portrait de Jésus, de sa vie, de sa mort et de ce moment culminant après la mort, dont surtout Matthieu, Luc et Jean font état, la résurrection. Et donc là, nous avons, disons, un corpus de textes qui nous donne des indications qui se veulent historiques. Et vous pensez bien que cette littérature a été surabondamment exploitée. Chaque jour, il y a un livre sur Jésus qui paraît dans le monde. Et donc là, nous avons sur ces écrits une foule d'études qui ont été menées. Et puis, enfin, nous avons une série de textes qu'on appelle traditionnellement apocryphes. Mais il faut se rendre compte que personne en son temps n'a écrit un texte en disant « j'écris un apocryphe ». Enfin, ça n'a pas grand sens. Donc, la notion de canonicité est une notion rétrospective. Un canon, c'est quoi ? C'est la liste des textes qu'une communauté donnée reconnaît comme sacrés. Et donc, les grands canons de l'Église catholique romaine, qui en nos contrées intéresse beaucoup de monde, sont essentiellement des canons qui viennent des conciles apostoliques, qui sont nettement plus tardifs et qui attestent donc du triomphe de la grande Église. Mais ici, nous sommes en train de parler donc de textes qui circulaient dans des communautés et qui étaient le bien propre de ces communautés autour desquelles elles se fédéraient, et d'un point de vue spirituel et d'un point de vue liturgique. Donc c'est très important, nous ne sommes pas devant des manuels d'histoire, nous sommes devant des textes dont l'objet est la prière, l'objet est le lien communautaire, l'objet est la liturgie, l'objet est une projection sur le plan de la foi. Et donc l'intention de ces textes est évidemment fort importante si nous voulons saisir comment et pourquoi ils ont été écrits. Alors ces textes, comme souvent d'ailleurs en histoire des religions, devraient avoir été écrits lorsque les premiers témoins oculaires disparaissaient, et où on tente de fixer par écrit des notions fondamentales qui, quelquefois, sont l'objet de conflits au sein des communautés. Et puis, dans la rafale des textes qui ont suivi, nous avons, dans cette vaste forêt des textes apocryphes, nous avons au fond deux grandes familles, pour faire bref. Alors, une famille qui est celle de ces textes de l'enfance que vous avez cités, qui répondent à une question théologique majeure. Si Jésus était le Fils de Dieu, s'il est donc Fils de Dieu depuis la naissance, quels ont été les indices qui ont permis de saisir dès son origine qu'il était bien le Fils de Dieu et pas un enfant comme les autres. Et donc là, nous avons une série de textes qui étaient certainement importants pour la foi de certaines communautés chrétiennes. Et puis nous avons une série de textes que traditionnellement on range dans la catégorie des textes gnostiques. Ben, nous avons affaire à un Jésus qui essentiellement nous est présenté comme étant un Jésus spirituel. Et donc un rejeté du monde de matière qui, en fait, est l'envoyé d'un Père céleste, lumineux, qui n'a aucun lien avec le monde de matière, qui, lui, est entre les mains d'archontes ou de personnages célestes également, mais célestes dans un sens négatif, qui, eux, vivent selon l'ordre de la volonté de puissance. C'est le thème du Jésus étranger au monde, etc. Donc, chronologiquement, je reprends. Paul, les évangiles. Nous avons, après ça, des textes dits apocryphes. Donc, nous sommes en train de nous étendre sur au moins deux siècles, hein, deux siècles et demi de production littéraire. Et parallèlement, je dirais, à cette rafale de textes chrétiens, ce train composé de wagons de textes chrétiens qui reflètent l'état de communauté chrétienne à un moment donné de l'histoire, nous avons alors des témoignages d'historiographes, notamment romains, et aussi le témoignage de Flavius Joseph. Et là, force est de constater que ces témoignages-là ne nous parlent en fait pas de Jésus. Le corpus est donc largement chrétien, et donc il est inutile de préciser que nous ne sommes pas là en train d'étudier un personnage historique au travers d'une multiplicité de sources avec un recoupement possible, etc. Comme je le disais tout à l'heure, nous étudions des épaves qui flottent sur une mer sombre et très inconnue. Ce qui est assez étonnant, Benoît de Charneux, si l'on suit ce que vous dites d'ailleurs et en lisant les textes, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des perceptions de Jésus extrêmement différentes, d'une certaine manière, même les évangiles synoptiques, qu'en principe on peut lire en parallèle, on s'aperçoit lorsqu'on les lit précisément en parallèle, qu'il y a en fait des divergences importantes et des divergences qui sont, je dirais, quasiment d'ordre théologique. Alors, si on recommence avec le premier que vous avez cité, c'est-à-dire Paul, Paul, vous l'avez dit, il n'a pas connu Jésus. C'est la fameuse aventure qui lui arrive sur le chemin de Damas avec cette sorte de vision, et on a l'impression que c'est déjà une construction, je dirais, théologico-mystique. Ah, moi je pense, oui, que chez Paul, la primauté est donnée au théologique. Donc, avant tout, c'est un théologien. Et deuxièmement, c'est un homme qui tente de créer un lien avec ses communautés et de répondre à des détracteurs que d'ailleurs nous connaissons formal. Alors peut-être même des membres de la première église chrétienne, comme cela semble transparaître dans l'Épître aux Galates, mais aussi d'autres types de missionnaires qui passent et qui donnent des prédications en se référant à la figure de Jésus et que Paul ne reconnaît pas et, pour tout dire, réprouve. Donc c'est un climat assez chargé, au fond, que ces lettres de Paul. Nous sommes déjà dans un climat qui atteste de conflits internes au jeune christianisme et externe, le vieux thème des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, que nous retrouvons dès la strate paulinienne. Et donc ce qui intéresse essentiellement Paul, c'est clairement le théologique. La preuve en est, dans l'ensemble des écrits de Paul, les références au Jésus historique sont minimes. Quand il nous informe sur la famille de Jésus, la seule chose qu'il nous dit, c'est que Jésus est né d'une femme. Ce qui est quand même fort peu de choses, il faut bien dire, du point de vue, je dirais, d'une volonté d'appréhender Jésus au travers de ses premiers témoignages. Par contre, quand il appréhende le monde de la théologie, là, il est intarissable et il atteste déjà d'un état d'élaboration théologique important. Paul jette les bases de la christologie et clairement, il lance un mouvement spéculatif fort important autour de l'interprétation de la figure de Jésus et du statut cosmique de Jésus. Il y a un point sur lequel il me semble qu'il faut insister, Benoît Tcherneux, parce qu'on voit très bien que dans sa théologie, Paul met quand même en exergue, je dirais, au fondement même de sa construction, il y a ce que nous avons appelé la caritas, ou reprenant le terme grec, l'agapé, mais disons l'amour. Et là, on a l'impression que, justement par comparaison avec les autres textes, c'est qu'il touche à quelque chose qui était, autant qu'on peut en inférer, au cœur même de la prédication du Christ. L'amour a été diversement interprété par les premières communautés chrétiennes. Et si Jésus apparaît comme un personnage hanté par le thème de l'amour du prochain, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par le terme « amour du prochain ». Par exemple, si l'on étudie l'évangile de Matthieu, on se rend compte que Jésus aime son prochain d'une façon relativement musclée. La façon dont il traite son prochain répond assez bien à l'adage « qui aime bien, châtie bien », du moins en parole. Et on pourrait prendre chaque auteur et chaque fois montrer comment ce thème habite l'écrit et comment l'auteur, au fond, habille une préoccupation qui, semble-t-il, a été dominante chez le fondateur du christianisme, qui pour moi est Jésus, et non pas Paul, comme on l'a dit quelquefois, mais en même temps montre que les communautés interprétaient de façon diverse ce message premier. Oui, mais c'est cela qui est assez étonnant, Benoît Tcherneux, et dont nous avions perdu le souvenir, peut-être parce qu'on nous avait présenté une histoire sainte du christianisme, si je peux me servir de cette expression, c'est qu'on a l'impression que précisément chaque communauté, je dirais chaque église d'une certaine manière, avait son système de croyance, son système d'interprétation et sa relation tout à fait particulière à la figure de Jésus. Lorsqu'on compare les évangiles, on en a bien l'impression, et lorsqu'on lit l'évangile de Saint Jean, on voit très bien comment nous sommes dans une perspective judéo-chrétienne qui n'est pas, enfin, ou proche du judéo-christianisme, qui n'est pas exactement celle des trois synoptiques, et la manière, par exemple, dont est traitée la figure du Baptiste, où on a l'impression que, finalement, il y avait eu une forte rivalité entre les disciples du Baptiste et les disciples du Christ, jusqu'au moment où une sorte, je reprends la thèse de quelqu'un que vous connaissez sans aucun doute, dans laquelle il y a une sorte de grand compromis qui a été élaboré. Donc on a l'impression que vraiment, il y a un christianisme multiple. Oui, oui, c'est ce qui apparaît au travers des études critiques qui ont été menées tout au long du XXe siècle et qui déjà débutaient au XIXe. Pendant des siècles, on a insisté, comme vous le dites très justement, sur une histoire sainte, une hagiographie. Et dès lors, on racontait l'histoire de Jésus, hein, Jésus enfant, en mélangeant les textes, et puis Jésus adolescent, quelques éléments relatifs à prédication auprès des docteurs du temple, et puis le Jésus adulte, et puis la résurrection. Et l'ensemble formait un tout, ce tout était intégré comme une pièce d'histoire sainte. L'histoire critique a amené l'idée d'une comparaison et d'une mise en évidence des différences entre les documents. En tout cas, ce qui a été bien mis en évidence, c'est que c'est une littérature diversifiée, riche, abondante, et qui n'hésite pas, je dirais, à entretenir un dialogue interne et à prendre des positions divergentes selon les intérêts des communautés, leur bien propre et la façon dont elles lisaient la vie de Jésus et de ses proches et dont elles se revendiquaient d'une ascendance apostolique particulière. Car en fonction de l'apôtre qui avait fondé la communauté ou du disciple qui avait fondé la communauté, il y avait un attachement à tel type d'écrit plutôt qu'à tel type d'autres écrits. Alors je prends un exemple qui aujourd'hui est très largement, je crois, ignoré même d'un public fort averti. Ben, au IIIe siècle de notre ère, au sein de l'Église de Rome, qui n'est quand même pas la moindre dans un empire qui est avant tout romain, nous savons qu'il y a un débat à l'époque du pape Victor qui va avoir pour enjeu la reconnaissance ou non des églises johanniques. Alors se dire qu'au début du IIIe siècle, la question du côté occidental était de savoir si oui ou non les églises qui se revendiquent de genre étaient orthodoxes ou hétérodoxes, ça semble aujourd'hui quelque chose de très particulier. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens et qui puissent entendre un propos comme celui-là. Eh bien oui, ceci a eu lieu, et on a dû faire appel notamment à Irénée de Lyon, qui, quant à lui, avait des accointances avec ces églises, comme on le sait, pour servir de médiateur et pour permettre au johannisme de se maintenir dans ce qu'allait devenir la grande église. Ça montre bien, et on pourrait multiplier les exemples à l'envi, ça montre bien que, en fait, c'est peu à peu que cette grande église s'est construite et que ce qu'on a tenu comme acquis, comme évident, comme véritablement la vérité en tant que telle, ne l'était pas du tout aux yeux des anciens. Donc globalement, nous constatons que, avant tout, c'est un processus itératif, de très longue haleine sur plusieurs siècles. Il y a un rassemblement de communautés qui tantôt a été un rassemblement qui allait de soi, certains textes qui étaient partagés, des idées qui étaient également partagées concernant Jésus, sa famille, les enjeux de sa prédication, le rapport aux politiques, etc. Donc dans certains cas, les choses ont pu être menées assez rapidement, mais dans d'autres cas, ça a pris plusieurs siècles, et des textes qui nous semblent aujourd'hui des textes incontournables de la foi chrétienne, canoniques, mais en fait étaient considérés comme ambigus à certaines époques. Si l'on prend les textes que l'on peut considérer comme fondateurs, je dirais, c'est-à-dire en gros les lettres de Paul et les évangiles, on en retire l'impression, d'une certaine manière, Benoît de Charneux, que le christianisme s'ouvre par un théologien, c'est-à-dire Paul, et d'une certaine manière arrive à son accomplissement sous réserve des siècles qui viennent derrière, parce que Dieu sait que les querelles christologiques, il a fallu du temps pour arriver à les régler, mais se termine d'une certaine façon, au moins dans les fondations, avec un autre théologien, c'est-à-dire Jean. Parce que lorsqu'on compare l'évangile de Jean aux évangiles synoptiques, on a l'impression que c'est vraiment l'œuvre d'un théologien. C'est de nouveau un très grand débat. Tout a été dit, et son contraire en ces matières-là. Moi, j'irais plus avant, que je dirais que la poursuite théologique a encore pris en ce qui concerne la christologie, a encore pris un siècle et demi après Jean, et que Jean, au fond, rebondissait sur Paul, mais en même temps, sans doute, atteste d'un certain état de développement du christianisme. Et je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas lire Jean de façon indépendante par rapport à certains textes que l'on dit gnostiques. Alors non que Jean ait été gnostique, nous n'avons pas de certitude non plus qu'il anticipe ou qu'il réponde à des débats relatifs à la gnose, mais je crois qu'il pose certaines questions d'une façon qui est proche du questionnement de certaines églises gnostiques et que peu à peu, il dégage des pistes de réflexion qui, elles, seront originales et seront, je dirais, la logique johannique que nous connaissons. Donc, je plaide pour une relecture de ces théologiens en leur temps et en interaction avec le monde au sein duquel ils vivaient. Souvent, me semble-t-il, les questions que les hommes se posent à une époque donnée sont très proches. Ce sont les réponses qui varient. Alors, je pense que dans ces textes, souvent, nous avons des questions qui sont proches, mais des réponses qui varient grandement selon les communautés, les sensibilités, les théologiens. Peut-être aussi ce qui s'était transmis au fil du temps sur Jésus et que chaque communauté gardait jalousement. Il ne faut pas sous-estimer l'oralité. Alors, le cas de Jean est extrêmement complexe parce que traditionnellement, on avait tendance à tirer Jean du côté de la culture grecque à cause du prologue. Il est apparu que les rapports entre Jean et le judaïsme sont fort importants. et qu'il ne peut pas être question d'interpréter les concepts grecs que Jean met en œuvre sans tenir compte de la proximité de la pensée de Jean par rapport à l'univers vétérotestamentaire et aussi au texte intertestamentaire. Donc là, je crois que nous avons déjà une difficulté par rapport à ce personnage qui est vraiment à cheval entre deux cultures majeures pour son époque. Et puis, j'ai été fort sensibilisé lors de mes voyages en Afrique où j'ai eu la chance d'enseigner, à la réception du johannisme, notamment aujourd'hui en Afrique, dans les milieux théologiques. Il apparaît aussi que certains enjeux de ce que Kuhlmann appelait finalement le cercle des johanniques. Donc là, je prends l'ensemble du corpus johannique, hein, l'Évangile, les lettres et l'Apocalypse attribués à Jean, même si on sait que c'est certainement un autre Jean. Donc l'ensemble de ces textes johanniques semble aussi répondre à des questions communautaires liées aux minorités communautaires et liées à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, en extrapolant et en tirant le concept hors de son champ de naissance, une sorte de forme de résilience au sein des communautés johanniques qui, en un premier temps, étaient rejetées non seulement par le johannisme, par le judaïsme traditionnel, par d'autres églises, sans doute gnostiques, qui avaient une lecture sensiblement différente de la figure de Jésus, mais aussi par les communautés, bien sûr, gréco-romaines, dominantes dans les petites cités où ces chrétiens-là vivaient. Alors, rejetés par l'ensemble du monde qui vous entoure, il ne vous reste pas grand-chose comme champ d'émancipation possible, si ce n'est cette forme de verticalité que l'on retrouve à la fois dans le message théologique de l'Évangile, mais aussi dans l'Apocalypse, qui, de ce point de vue-là, dès lors, peut être lu en synoptique avec l'Évangile, comme étant la manifestation d'une volonté de dépassement d'un état de fait social, à mon avis, qui était de l'ordre de l'insoutenable pour ces communautés. Et là, il y a une proximité, je dirais, au travers du thème de la souffrance et de la résilience, qui a très largement échappé à la théologie occidentale classique, et qui, me semble-t-il, en Afrique, pour des raisons qu'on devine, notamment la souffrance du continent africain aujourd'hui, a trouvé, sous la plume de certains théologiens, des échos fort intéressants. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la manière dont s'est bâtie la christologie, Benoît de Charneux. On sait que c'est un processus de très très longue haleine, puisque finalement, pour se mettre d'accord réellement théologiquement sur la filiation divine du Christ et sa nature humaine, il a fallu attendre Nicée, puis Constantinople I, puis Éphèse, puis Chalcédoine. Donc nous arrivons jusqu'au milieu du 5e siècle après Jésus-Christ. Et on a l'impression, en vous suivant, et en même temps en relisant les évangiles, que même des gens comme Marc, puis Matthieu, puis Luc, ne considèrent pas de ce point de vue-là le Christ de la même manière. Et que ça a été véritablement un problème que d'arriver à penser cette double nature. Oui, c'est un problème. Donc, le Christ fils de Dieu, mais que veut dire l'expression fils de Dieu? Et en grec, et puis alors si on extrapole vers l'hébreu, est-ce que ça veut dire fils de Dieu au sens où pour un croyant nous sommes tous enfants de Dieu? Est-ce que ça veut dire fils de Dieu dans un sens proche des intertestamentaires où nous avons une allusion à une figure essentiellement eschatologique? Est-ce que ça veut dire fils de Dieu dans le sens d'une naissance et d'une naissance particulière et miraculeuse? Beaucoup d'interprétations sont possibles, et dans chacune des interprétations, on voit directement qu'il y a des subdivisions qui immédiatement viennent à l'esprit. Et donc, les premières communautés chrétiennes ont dû répondre à ces questions. Et elles l'ont fait, chacune à leur manière. Alors, il est très simple de vérifier ces difficultés et ces différences d'interprétation entre les textes. J'invite nos auditeurs tout simplement à prendre l'évangile de Marc et vous lisez le premier chapitre, tout simplement. Et puis après ça, vous prenez Matthieu et vous prenez Luc. Et vous allez voir, chez Marc, il n'y a pas d'enfance de Jésus. Chez Matthieu et Luc, il y a une enfance de Jésus. Mais il y a des divergences. Chez Matthieu, par exemple, la généalogie de Jésus n'est pas la même que la généalogie que Luc nous propose. Et puis les généalogies en question sont patrilinéaires, c'est-à-dire font remonter Jésus à la maison de David par Joseph son père. Mais chez Luc, vous avez le thème de l'annonciation qui est bien connu dans le christianisme, de la naissance virginale. Tandis que chez Matthieu, c'est plus complexe. Vous n'avez pas ce thème de l'annonciation présenté comme chez Luc. Vous avez plutôt un songe à Joseph. Donc nous voyons qu'il y a des divergences et des différences entre les textes qui ne s'expliquent pas uniquement parce qu'on aurait été mal informé, qu'on a rédigé comme on a pu à un moment donné, mais qui s'expliquent aussi en fonction d'enjeux théologiques pour les communautés, une façon de se positionner par rapport aux autres communautés, une façon de relire finalement la vie de Jésus. Mais relire la vie de Jésus, pour quoi faire ? Pour vivre leur foi, pour s'éveiller spirituellement, pour être sauvés, c'était ça leur enjeu. Ils tentaient de se fédérer autour d'une vie qu'ils jugeaient exemplaire, c'est le thème de l'imitation du Christ qu'on connaît bien dans la pensée chrétienne, et ils tentaient, au travers des faits et gestes attribués à Jésus, eux-mêmes, de gagner leur salut en emboîtant le pas à leur maître. Et donc, si on admet cet enjeu, on se rend compte directement que les réponses ont été multiples, parce que l'enjeu est extrêmement complexe. Alors, quand on fait bref, on dirait, premier siècle, ce sont les premiers textes fondateurs que nous avons évoqués déjà tout à l'heure. Au deuxième siècle, la grande question, une fois qu'on a admis cette question de la divinité de Jésus, ça a été de dire, oui, mais quel type de divinité ? C'est ce qu'on appelle la christologie, donc le discours rationnel concernant le Christ, donc le Messie et la nature du Christ. Qui était-il vraiment ? Un héros, un démon, un ange, un homme, les deux, Dieu lui-même, un Dieu. Enfin, beaucoup de réponses ont pu être données. Bon, la grande Église a tranché, comme on le sait, elle a dit à la fois homme et Dieu. Et puis, enfin, au IIIe siècle, va se poser de façon de plus en plus récurrente la question de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté. On peut traduire de façon, à mon avis, différente. Et là, la question de nouveau est éminemment logique. Si vous prenez l'histoire du salut, le peuple d'Israël, la religion des Hébreux, la religion juive, l'arrivée de Jésus, et Jésus ouvre les portes vers le salut par le thème de l'imitation du Christ. Bon, premièrement, que s'est-il passé avant ? Parce que tous ceux qui ont vécu avant sont damnés. Bon, grande question qu'il convient de se poser. Et Jésus, il est mort, donc il n'est plus là. Oui, mais il est ressuscité. Oui, mais il est retourné près de son Père céleste. Donc, de toute façon, même si la résurrection a eu lieu dans l'esprit de ces premières églises, il y a une absence. Qui va dès lors être présent pour pallier à cette absence, et comment va-t-on continuer à mener une vie spirituelle et pas rien qu'une vie d'études ou une vie vouée à l'histoire ou à la relecture de la vie de Jésus, donc une vie véritablement en communion, entre guillemets, avec la pensée divine au travers de la figure de Jésus. Eh bien, la question de l'Esprit Saint, évidemment, résout la question de l'absence. La figure historique a disparu, le témoignage de la résurrection a bel et bien été présent pour ces communautés, mais le Jésus ressuscité, à son tour, a quitté ce monde-ci pour retourner vers son Père céleste, reste la présence de l'Esprit. Et dès lors, vous comprenez pourquoi, peu à peu, la question de la Trinité s'est imposée et comment elle répond finalement à une logique au niveau du questionnement et non pas à une lecture poétique de la vie de Jésus, comme aujourd'hui on voudrait le faire croire en parlant de foi, en disant « oui, je crois dans ça et pas dans ça », etc. Le problème n'était pas là. Le cheminement qui a été suivi par les communautés chrétiennes était un cheminement de réponse à des questions qui, dirait-on, tombent sous le sens à partir du moment où l'on accepte les prémices du raisonnement. J'ai tenté quand même de prolonger vers la littérature dite apocryphe, qui d'ordinaire est passée sous silence, et de l'intégrer dans le raisonnement. Je pense que cette littérature était très importante, et la littérature de l'enfance certainement, parce qu'elle a amené une réflexion sur la foi qui était une réflexion à la portée des communautés chrétiennes. Et... Mais nous le savons tous, c'est très simple, n'est-ce pas ? Vous prenez la fête de Noël et vous voyez quoi ? Des crèches avec un âne et un bœuf. Bon. Alors l'âne et le bœuf, vous n'allez pas le trouver dans les canoniques. L'âne et le bœuf, ce sont des références à certains textes apocryphes. Ces textes ont circulé, ont été commentés, ont été pour beaucoup admirés. Certains ont été condamnés, mais une partie d'entre eux ont véritablement été des véhicules populaires de la propagation de la foi. Et quand je dis populaire, on peut écrire un texte dont la vocation est la propagation de la foi sur le plan populaire et le texte peut être construit d'une façon savante. Donc il ne faut pas être piégé et les ranger dans la catégorie uniquement des naïvetés. C'est nettement plus subtil. Si vous prenez par exemple l'exemple du christianisme copte, donc égyptien, vous vous rendez compte que les textes de l'enfance ont été fort importants, notamment pour défendre et illustrer la foi chrétienne lorsque les musulmans ont eu l'autorité politique dans cette région du monde. Parce que c'était un Jésus très humain, très prophète, et donc très compatible avec la littérature coranique. Donc les communautés, certainement, ont été attentives à mettre en avant cette littérature pour montrer qu'il faisait bien partie de la littérature des gens du livre qui s'inscrivaient dans un univers qui n'était guère si éloigné de la pensée musulmane. Donc on voit bien les enjeux selon les lieux, selon les époques. Prenons dans nos régions l'importance de la mariologie. On voit bien comment ces textes ont été lus, commentés et comment ils tentaient de répondre notamment à des questions, comme on le sait, fort difficiles concernant la virginité de Marie et l'interprétation de cette virginité dans la dogmatique catholique, qui est, comme on le sait, très largement postérieure. Donc là, bien sûr, ces textes ont été plus importants que ce qu'on veut bien dire d'ordinaire. Ils dérangent. Et c'est vrai que ce Jésus-enfant est un personnage assez curieux. Mais c'est qu'au fond, les textes répondent à une question simple. Jésus naît et il est déjà le Fils de Dieu. Donc il a des pouvoirs. Mais il est incarné. C'est un enfant, puisque... C'est évident, il a des parents. Alors, que fait-il ? Il fait des choses surprenantes, c'est-à-dire qu'il a ses petits accès de colère, comme tous les enfants. Mais évidemment, quand il a ses accès de colère, ce sont des colères divines. Alors, parfois, c'est très bon. Par exemple, quand il arrive dans un village des idoles, lors de la fuite en Égypte, il est tout petit, mais déjà, les idoles trempent sur leur base, s'effondrent, enfin, il fait des miracles, etc. Là, c'est un côté assez positif. C'est l'enfant gentil, vu en tout cas par nos auteurs, bienfaisant, si vous voulez, qui chasse les démons, etc., qui guérit des maladies, et donc un être tout à fait merveilleux, au sens fort du terme. Mais alors, de temps à autre, il fait des anti-miracles. Alors ça, c'est assez curieux. Notamment, nous avons des passages où il est bousculé par un passant, et puis il dit au passant, « Toi, tu as bousculé le Fils de Dieu, tombe mort, boum, le passant tombe mort. Bon. » Il inquiète ses parents, qui dès lors n'osent plus sortir en rue. Comme beaucoup d'enfants, même si on ne le dit pas trop, il n'aime pas trop l'école. Alors, lorsque ses parents ont la bonne idée de le scolariser, dans certains textes, il y a des discussions assez vives avec le professeur, et notamment, un d'entre eux veut le gifler, et aussitôt, sa main devient séchée. Alors, ses parents interviennent, parce que tout de même, ça crée des tensions avec l'entourage. Et alors, dans un élan de générosité, généralement, il ressuscite les morts ou il guérit les maladies et il montre sa, sa bienveillance et sa gentillesse, en ayant d'ailleurs un ton qui est un ton fort peu respectueux, puisque le message qu'il fait passer est de dire « vous n'avez rien compris ». Moi, je sais quel est le plan de mon Père Céleste, mais enfin, vous n'avez rien compris et je vous rends ce petit service. Je pense qu'en leur temps, ce sont des textes qui ont été fort importants. Premièrement, ce Jésus-enfant était un être proche, et donc un être vers lequel une forme de piété simple et embarrassée d'une théologie accessible pouvait, je dirais, faire l'objet d'une vénération et d'une adoration plus délicate et plus immédiate que les grands débats de la théologie auxquels s'adonneront les pères de l'Église. Et puis, il y a dans ces textes des grandes frayeurs de l'Antiquité auxquelles cet enfant donne des réponses. Alors, nous, ça nous semble naïf, mais pour l'époque, ce l'était fort peu. Je pense, par exemple, à cet épisode où Jésus... guérit un enfant, donc un condisciple, si vous voulez, qui a été mordu par un serpent. Donc on voit bien ces deux mondes qui se regardent face à face. Ce texte de l'enfant, c'est un monde d'une piété, d'une proximité plus immédiate par rapport à la figure de Jésus. D'autres textes théologiques, quant à eux, et très formels sur le plan de leur construction, mais répondaient aux préoccupations des intellectuels. Et là, nous rejoignons un peu le début de notre émission, parce que bien sûr, ce qui nous est parvenu massivement, ce sont les débats de la littérature savante. Ce ne sont pas les débats de la littérature populaire. Ce ne sont pas les enjeux quotidiens des personnes qui, en un premier temps, sont accessibles pour, je dirais, le monde académique d'aujourd'hui. Ce sont les enjeux théologiques. Et j'ai coutume de dire aussi, avec un peu d'ironie, les collègues d'aujourd'hui font l'histoire de leurs collègues du passé. Et pourtant, on ne peut pas imaginer le succès que le christianisme va connaître dans les siècles qui vont suivre, en le faisant reposer uniquement sur des spéculations théologiques. Alors là, les textes de l'enfance, tout d'un coup, deviennent plus intéressants, comme chaque année, d'ailleurs, nous le voyons. Nous voyons là, comment la piété populaire s'empare de ces thèmes, les monte en épingle, au moment notamment des fêtes de Noël, et finalement, fait revivre très largement, non seulement des textes canoniques, mais aussi des textes apocryphes. Et combien ce christianisme-là, beaucoup de personnes y sont beaucoup plus attachées qu'à un christianisme théologique, philosophique, savant, dont il faut bien dire que, généralement, peu de personnes y entendent ne fût-ce qu'un mot. Vous prenez tout simplement ce qu'on appelle le symbole de Nicée, hein, le credo, je serais quand même intéressé de savoir combien de personnes sont capables de répondre à une question comme « Qu'est-ce qu'un être, engendré, non pas créé ?» Pourtant, ceci est récité quotidiennement dans les églises lorsqu'on récite le credo. « Engendré, non pas créé », qu'est-ce que ça signifie exactement du point de vue théologique? Peu de personnes sont capables de répondre de façon subtile à un thème comme celui-là. Par contre, les textes de l'enfance, des épisodes relatifs à la Vierge Marie, etc. Ça, c'était jugé parlant et c'était accessible et ça pouvait faire l'objet d'une forme de piété sans doute plus accessible. Livre. Dans un horizon de pensée qui n'est peut-être pas complètement éloigné de celui de Baudouin de Charneux, je voudrais évoquer d'abord l'ouvrage de Michael Amalados, Jésus asiatique, aux presses de la Renaissance. De quoi s'agit-il, sinon de la réflexion par Michael Amalados, qui est indien, de nationalité, que le dogme catholique, ou chrétien en général, le dogme tel que nous le connaissons, n'est pas adapté aux civilisations non occidentales, et particulièrement, évidemment pour lui, aux civilisations asiatiques, puisqu'il pense qu'au-delà du dogme qui est très influencé par notre manière traditionnelle de voir, afin de s'adresser à toutes ces personnes du continent asiatique, il vaut beaucoup mieux procéder par image et par symbole. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous sommes dans une voie assez différente de celle qu'a tracée quelqu'un comme Raymond Panikkar, théologien hispano-indien lui-même, à travers son concept de Christophanie, mais qui, d'une certaine manière, a à voir avec l'épiphanie et éventuellement avec la notion d'avatar. Et ce que essaie de dresser Michael Amalados, c'est précisément un certain nombre de figures, de la manière dont on peut parler de Jésus à des non-occidentaux, et on voit défiler, par exemple, la voix, le sage, le gourou, l'avatar même, et avec étonnement, on se rend compte qu'on termine avec le danseur, Jésus comme danseur cosmique, bien entendu, et de ce point de vue-là, nous ne sommes pas très très loin de l'image du Shiva Nataraja, le Shiva danseur, avec la place évidemment qu'il occupe dans la Trimurti indienne. D'une façon qui nous est inconnue, Dieu rassemble toutes choses dans une unité. Le Christ joue un rôle central dans le processus. C'est pourquoi il fait partie de la danse. Car Dieu, c'est plus à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres, aussi bien sur la terre que dans les cieux. Et puisque nous sommes en Asie, nous allons revenir un tout petit peu vers nos contrées avec le livre de Lélie Anvar, Malek Jadnemati, aux éditions Diane de Sellier. Malek Jadnemati, de qui s'agit-il ? D'une kurde iranienne qui est née au début du XXe siècle, qui est morte quasiment à la fin de ce siècle d'ailleurs. Elle est morte en France à l'âge de 87 ans. Et c'est quelqu'un qui avait la particularité d'avoir été aveugle dès l'adolescence. Ce qui fait que plongée dans sa nuit, nuit objective, en même temps nuit intérieure, elle a passé toute son existence dans la méditation et dans l'enseignement spirituel. C'était la sœur d'ailleurs d'Ostad Elahi, le grand mystique iranien dont on a parfois entendu parler. Et on voit très bien comment, inscrite dans le courant du soufisme, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a rayonné autour d'elle à travers précisément son expérience intérieure. Ami, jamais seul. Ne restez pas seul. Recherchez l'ami. Trouvez l'âme sœur. Et le cœur uni, cherchez le Seigneur. Ensuite, en remontant dans le temps, je voudrais attirer l'attention sur la publication, aux éditions du Cerf, du premier traité de Plotin, celui que l'on trouve en sixième position dans ce que l'on appelle les Énéades. Pourquoi attirer l'attention sur ce traité ? C'est que Plotin, précisément, c'est le premier traité qu'il a écrit, donc celui qui débutait toute son aventure à la fois intellectuelle et spirituelle, disons philosophique ou métaphysique au sens large, et où il se pose la question, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que le beau ? Et évidemment, il s'inscrit dans la travée platonicienne où on sait qu'il y a une identité entre le beau, le vrai et le bien. Et là, Plotin introduit tout un certain nombre de nuances dans la mesure où il nous propose que le bien est l'un et que le beau est le premier qui vient après. Le premier qui vient après l'un, justement, le premier qui est le beau. Donc, d'une certaine manière, il équivaut à ce que, chez Plotin, on appelle l'intellect ou l'être. Et d'une certaine façon aussi, c'est par la médiation du beau que l'âme contemple l'intellect et que l'intellect, à son tour, contemple l'un, l'un au-delà de tout, l'un indicible, l'un qui est réfugié dans son abîme. Et tout cela se passant à l'intérieur, et nous sommes bien entendu là, tout à fait dans la tradition platonicienne, à l'intérieur d'une vision amoureuse. Que l'on devienne donc d'abord totalement divin, c'est-à-dire totalement beau, si l'on veut contempler le Dieu et le bien. Ce qui est au-delà de la beauté, c'est la nature du bien qui tient le beau placé devant elle. En tout cas, le beau est là-bas. Et enfin, puisque nous sommes dans l'Antiquité, je voudrais signaler un livre dont je sais que Baudouin de Charneux y est tout particulièrement attaché, qui est le roman parmi les rares romans grecs ou latins qui nous sont parvenus, d'Apulée, Les Métamorphoses ou L'Âne d'Or, aux éditions Les Belles Lettres. De quoi s'agit-il au juste? Apulée étant un écrivain du IIe siècle, évidemment il rend compte et il se place dans la civilisation et dans le contexte intellectuel et spirituel qui est le sien, qui est celui de ce siècle, et c'est l'histoire de Lucius, un jeune romain, Lucius évidemment renvoyant à la notion de la lumière, Lucius qui va peu à peu être initié au mystère d'Isis, et c'est à la fois toute la description du processus d'initiation, des processus d'épreuve, puisque Lucius, entre autres, va être transformé en âne, et on va assister à la manière dont Isis le sauve de ce destin si lamentable, et où nous avons un roman qui est à la fois un roman érotique, un roman fantastique, un roman métaphysique, un roman spirituel. D'une certaine façon, on n'est pas très loin de ce que seront les grands romans baroques et picaresques de l'Espagne de la fin du XVIe siècle, et en même temps, on voit comment se côtoient, dans ce monde tout à fait particulier du IIe siècle après Jésus-Christ, comment se côtoient la spiritualité ou la recherche spirituelle la plus pure et en même temps l'usage de la sorcellerie. Et de ce point de vue-là aussi, ce roman est un roman sociologique, sociologie des religions, sociologie des spiritualités, sociologie des pratiques surnaturelles. Le Dieu plus puissant que les grands dieux, suprême des plus puissants, plus grand des suprêmes, souverain des plus grands, Osiris, non pas métamorphosé sous quelque masque, mais au grand jour, m'apparut en songe, me promettant qu'immédiatement et sans délai, j'allais faire une brillante carrière d'avocat au Forum. Les livres aujourd'hui. Jésus asiatique de Michael Amalados aux éditions Presse de la Renaissance. Malek Jeanne Nemati de Lélie Anvar aux éditions Diane de Sellier. Le premier traité de Plotin aux éditions du Cerf et les Métamorphoses ou l'Âne d'Or d'Apulée aux éditions Les Belles Lettres. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Baudouin de Charneux. Recherche sonore Dominique Catroux, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.